Et nous voici. Enfin réunis. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. On était séparés à la naissance, ou... Oui, ben il semblerait... C'est la troisième fois en 8 ans. Qu'on se retrouve ici, pour les spectateurs, disons que c'est peut-être une surprise. Auditeurs, oui, c'est ça. Mais je parle des spectateurs qui sont ici, là, qui nous regardent en passant sur le trottoir. Tu parles de ceux qui sont dehors, de ceux du trottoir qui nous regardent. Okay. Ben oui, qui sont parce que, là, comme vous le savez, à CKRL, on s'expose dans les vitrines. Ben oui, il y a des gens exposés. Donc, c'est l'émission Terrain Incognita à CKRL. C'est la dernière de l'été. De l'été? Eh oui. Oui. Non, non, non. Ça commence le... La nouvelle saison commence le... saison commence le 5. OK. Moi, je suis venu parce que je pensais que c'était la dernière. Ben non. Bon, ben, je m'en vais. Ben non, je reviendrai la semaine prochaine. Ben non, c'est nous qui faisons la dernière émission de l'été. Comme ça nous arrive souvent, d'ailleurs. Et on fait souvent la première. Mais c'est ça, on est en compagnie de... C'est l'émission réalisée par Bruno. Et vous êtes en compagnie de Michel Bledot, Marc Chonnet, France Carrier et Jean-François Lamar. Puis, oui. Ben oui, puis Bruno a débuté avec une pièce de Necromonkey. Necromonkey, c'est avec Mathias Olsen, qui est le batteur d'Anglagarde. Ex-batteur, oui. Ouais. Et qui est également David Lundberg. Oui, c'est ça, là, j'ai oublié de faire mes recherches. Moi, je pensais que c'était quelqu'un de Gösta Berling Saga. Je pensais aussi. Bon, OK, parfait. Oui, ouais, on va regarder ça pendant la pause. Puis là, ben, on en parle de Necromonkey parce qu'ils vont être à Québec. Dans pas grand temps, en fait, le 16 octobre, à Lanty. Donc, puis ça sera pas les seuls, évidemment, ce soir-là. On va en savoir aussi, là, je vais essayer de le dire à la suédoise, là, le Rickard Sojblom, ex-leader de Birdfish. Il y en a peut-être qui vont apprendre que Birdfish n'existe plus, mais c'est la triste réalité. Malheureusement. Ouais. On est en deuil. Oui, ouais. Mais quand même, on a Ricard qui va venir nous présenter son disque solo, là, The Humbundable Sleep. Excellent disque, un de mes préférés de 2016. Là. Ben, je pense que c'est un des disques préférés de l'équipe aussi. C'est un disque que joue énormément sur les ondes de CKRL. Puis il va y avoir aussi Inner Odyssey. Programme triple, donc, le 16 octobre à Lanty. Ceux qui sont intéressés, ben, écrivez. Soit à l'adresse courriel de la station, ben, de l'émission, que tu as peut-être par cœur, toi, là. L'adresse courriel, ben, vous pouvez aller sur le site de CKRL, c'est ça. Là, dans la partie programmation. Ou, ben, vous pouvez écrire aussi à Terra Incognita Mag, tout d'un trait, là, à commercial@hotmail.com. Ouais, sinon c'est Terra Incognita CKRL@hotmail.com. C'est ça. Donc, ceux qui sont intéressés, c'est la place pour les billets. Et puis, ben, moi, je l'ai dit, ben, Inner Odyssey. Oui. Donc, c'est présenté par Terrain Incognita, il faut dire oui, ça. Oui, là, c'est présenté par Terrain Incognita, exactement. Donc, le 16 octobre à Lanty, je pense que ça va. Il n'y a pas un nombre incalculable de places. Donc, premier arrivé, premier servi. Et puis, ben, c'est une occasion unique. Je pense qu'on ne les reverra pas de sitôt. Tu sais, avoir Necromonkey, Rickard Sojblom la même soirée. Oui. C'est. D'apprendre là, tout de suite. On peut pas. Moi, je pense pas réussir à reproduire ça une autre fois. Ben oui, une belle soirée à la suédoise et à la québécoise. À la québécoise. On en reparlera de toute façon. Il reste quand même un bon mois et quelques. Là. Un mois et demi. Un mois et demi. On va y aller justement avec une pièce de Rickard. Eh oui. La pièce Rhyme and Reason tirée de l'excellent disque. Je pense que pour plusieurs, là, c'est un des bons disques. Là. Oui. Ben, puis c'est une belle suite pour Birdfish. Exact. Oui. Ben oui, ça nous encourage un peu. Ben oui, on le reconnaît tout de suite. Oui. Oui, on ira avec ça. Puis, Rickard, on va aussi avoir Resistor qui s'en vient. Le choix musical de Bruno et nous qui débarquons comme ça à l'improviste. Ou presque. Ou presque. Surprise! On y va en musique tout de suite. We'll be right back. up and look at the world. Stand up just because you can. l'émission de lancement et profitez de l'occasion pour rencontrer les animateurs de la prochaine saison. À 19h, Jean-Sébastien Grondin enflammera les ondes avec l'émission Soulfinger en DJ set. Et dès 20h, c'est le retour de Michel Dubois à l'animation de Rue d'Auteuil qui accueille le Charlie Price Band. Assistez gratuitement à la prestation ou soyez à l'écoute en direct du 89.1. Describing an alien race at which all other boys scoffed. Out in the field late at night he would lie, staring straight up at the stars. Where have you gone, sister? What do you hide? I'll find you wherever you are. out in space. Ouais, mmh. ça met de bonne humeur. Hein? C'est vitaminé. Ouais. Et ben ça, c'est un. Ben en fait, c'est un des projets d'un. Même pas. Je suis pas pour dire c'est un musicien. Je suis pour dire violoniste, mais c'est pas. Il fait pas juste ça. C'est un multi-instrumentiste. Un multi-instrumentiste, puis multi-projet aussi. Steve, je sais pas si on le prononce comme il faut. Onroux. Pour moi, c'est comme Steve ça. Steve Onroux, là, ça, c'est son projet principal. Resistor. C'est dur à dire. Dans le fond, là, Resistor. Parce on se demande si c'est pas Samurai of Prog. Il est tellement occupé avec ça. C'est exact. Oui, c'est ça. Samurai of Prog, Resistor. Il en fait sous son nom. Puis je sais qu'il joue. Il a contribué sur Willow Glass, sur c'est un ça. Album. Ouais, ouais. Ah oui, on voit son nom sur plusieurs tracklists. D'ailleurs, ouais. J'ai eu l'occasion de jaser avec un moment donné, puis il me disait que sa meilleure amie, c'était sa cafetière. On comprend facilement pourquoi avec tout ça. Il prend des litres de café, apparemment, là, pour se tenir réveillé le plus longtemps possible, faire toutes ces histoires. Enfin, Resistor, donc, c'était la pièce de Boy with His Brain Out in Space. Wow, OK. Oh oui, on comprend. Hein? Oui, oui, on a bien compris. Il a bien décollé, rendu. On comprend qu'il ne dormait pas quand il a décidé de ce titre-là. Puis tout juste avant, mais c'était là, je pense qu'on a un expert olympique ici, là, Marc, qui nous dit que, après avoir écouté les Jeux olympiques, qu'il y avait un Suédois, que le nom commençait par S-J-O. Oui, donc il faudrait dire Show. Show. Donc, ouais, Show Bloom. Selon. Ricard. Selon Marc Hull, c'est ça qu'il faudrait dire. Richard Garneau. Oui, c'est ça. Donc, on aura l'air moins fou au mois d'octobre quand on jaserait avec lui. Ouais, c'est oui, c'est ça, on dira pas. Mais c'est un de nos auditeurs qui me racontait ça. Mais remarque, écoute, que, ils sont, okay, sont habitués. Oui, moi, qu'on déforme leur nom. Là, à chaque fois que je vois Rheinstone, j'oublie toujours qu'il faut dire Rhein. Rhein. Oui, c'est ça. C'est quasiment Rhein. Ben, pas loin. Oui. Enfin, bon, donc, c'est ça, le 16 octobre. Il va être en spectacle à Québec, oui, Richard. Ricard Sojbloom, ex-Beardfish, avec Necro Monkey. C'est vrai, Sojbloom, Ricard. J'espère que c'est vrai, là, Marc, parce que sinon là, tu vas avoir une poursuite. Surtout du consul de Suède. Faudra pas insulter. On n'a pas d'ambassade. Non, mais on fait pas mal de la promotion de la Suède, là. Oui, Terra Incognita, oui, là. Oui, c'est oui, la Suède, comme on disait. Et l'Italie. Et l'Italie, oui. Et l'Italie. Donc, oui. Faut le dire. Absolument. On a des parts chez Mario aussi. Puis, donc, cet événement organisé à Lanty, il va y avoir Inner Odyssey aussi du Québec avec Necromonkey. Premier concert à 19h. À 19h. Oui, pour pas que ça finisse trop tard, étant donné que c'est un dimanche. Puis, aller sur le site. Ah, ben oui. Ben là, on est supposé en mettre tantôt. Okay. Donc, on va en parler tantôt. Donc, c'est ça. Ben là, c'est ce qu'on a écouté. Puis là, je suis tout perdu parce que là, il ne faut pas que je dise que TFA. DFA n'a pas joué. Non, mais regarde, on va y aller avec ce groupe que je ne connais pas. En fait, c'est Bruno qui propose ça, le show musical. C'est ce qui s'en vient. La pochette avec le lutteur mexicain, là. Oui, il y a un masque dessus. Là, je ne sais pas trop ce que ça... Control Bleeding and Sparkle in Grey. Ça, c'est le nom c'est du groupe. C'est le nom du groupe, là. Ouais. C'est ça. Et ça, puis, ça a été, je vois que ça a été en fait en 2014. Perversion des savants âgés, mais. Non, c'est ça le titre, à peu près. Il faut faire confiance à Bruno. Il faut comprendre que c'est une découverte là, pour tout le monde. On va faire confiance à Bruno. Donc, je pense que. Mais justement, il y aura aussi, après ça, Universe Effect. Oui, c'est ça. Que tu as eu en entrevue. Qui vont faire des coupes de spectacles, là. Demain, puis à Lanty, ouais, justement. Ouais, voilà. Bon. Hey, je pense qu'on va continuer. Si on y allait pour découvrir ce groupe-là. Ben oui, allons-y maintenant. Le temps de vous rappeler qu'évidemment, c'est Terra Incognita. Et ben oui. CKRL 89.1. We'll be right back. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. CKRL est en campagne de pré-membership et c'est le temps d'adhérer ou de renouveler votre carte de membre. Faites-le avant le vendredi 2 septembre 20h et participez au tirage d'un certificat cadeau d'une valeur de 300$ lors de l'émission spéciale du dévoilement de la programmation automne-hiver au Bal du Lézard. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Renouvelez votre carte par téléphone au 418-640-2575, poste 201, au 405 3e avenue à Limoilou ou via PayPal sur ckrl.qc.ca. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Faites-le aujourd'hui. Faire le tour du monde en 3 jours, ça vous dit? Prenez part au Mondo Carnaval Culture en Fête à Québec. Les 3 et 4 septembre prochains, venez vibrer au rythme des différentes cultures du monde au lieu historique national, quartier de Brébeuf. Réalisez une véritable immersion culturelle sous le signe de la musique, la danse, les arts visuels, le sport et les découvertes culturelles. Prenez part au grand défilé carnavalesque estival sur la 3e avenue dans le quartier Limoilou. Mondo Carnaval Culture en Fête à Québec, les 3 et 4 septembre. Programmation sur mondocarnaval.com. Bon, on est de retour après un beau bloc musical. On est-tu à Terra Incognita, là? Ah, je sais pas, mais Bruno est découragé. On t'appelle ça, Jean-Jean. Ah, ouais, c'est ça. Là, Bruno galère complètement. Il faudrait faire comme un radioton là, pour récolter des fonds pour ce pauvre Bruno. Et ça, si vous avez apprécié le choix musical, là, on va y payer une bière. On là, accepte vos dons. Partir une campagne de socio-financement. Là, on va arrêter. Là. D'ailleurs. Un peu de sérieux, il faut que je ramène ça à l'ordre ici. Là. Bon. Oui. OK. Universe Effect. C'est fait. C'est fait. C'était Universe Effects qui a joué, ben oui, Groupe de Québec. Ouais, une pièce qui débutait. Et puis, ben, on va le rappeler quand même. Là. Demain, il y a bon, ouais, Bruno, un concert demain. Ils viennent te chercher, là. La police vient de passer. Ben oui, demain, un spectacle au bar Lanti, l'Antibar. L'Antibar et spectacle. Oui. Est-ce qu'il faut dire l'Antibar absolument, oui? C'est l'Antibar. C'est l'Anti, c'est non? C'est l'Antibar et spectacle. OK. Alors, L'Antibar et spectacle. Ouais. OK. Les portes ouvrent à 7h. 19h. Ce qui est important, c'est que c'est sur la rue Dorchester et qu'il y aura un bon spectacle de Inner Odyssey. Demain, 19h. Les portes ouvrent à 19h. Ah non, c'est Universe Effect. Ça, c'est le 16 octobre. Ouais. Effectivement, c'est ça. Il y a Inner Odyssey après le 16 octobre. Comme oui, dirait Rock et Belles Oreilles, là. Arrête de boire. OK. Et donc, qu'est-ce que je joue avant ça? Ben, il y avait justement... Non, j'ai dit qu'on n'en parlait pas, ça. Ah, on n'en parlait pas. Bon, OK, c'est on ça. On parle de ce qui s'en vient. On parle de ce qui s'en vient, là. Ouais. C'est le futur qui nous intéresse. Oui. Donc... On regarde vers l'avant. Oui, c'est et ça. Et vers l'Italie aussi. On s'en va vers l'Italie, là. Ah, ben oui. Avec Nathan. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité, mais moi, c'est... ça a été un de mes coups de cœur italiens, là. Ah, ben, je l'aime bien aussi. C'est pas ça que je disais tantôt. Non, ils sont pas jeunes. Non, oui, c'est pas. Non, quand tu regardes la photo, tu te dis non, OK, ils ont peut-être vécu les années 70. Oui, c'est un bon album. Plus ça va, plus c'est bon dans en progressant. En fait, à partir de la troisième, je te dirais. Oui, c'est ça. C'est la première que j'ai un peu moins aimé, mais après ça, là, t'embarques dans ça. Puis ouais, il y en a des sucrés de bonne. Oui, beaucoup de claviers. Oui, tu nous as fait découvrir ça. C'est que Nathan Nebulosa, c'est ce qu'on va écouter, c'est le choix de... De Bruno, évidemment. Ben oui, c'est lui le réalisateur ce soir. Même s'il a perdu le contrôle de son émission. Ah oui, il l'a complètement perdu. Et puis, on a aussi après... Ben, non, on n'en parle pas. Hein. Je pense que juste Nathan, puis après ça, on en reparlera plus tard de ce qui s'en vient. Là. Ben OK. Bon, on va y aller demain. On y va demain. Fait que Bruno... Là.

you're in the darkness with your face against the wall. Yourself in the kingdom of God. We'll be right back. shelter to feel home. If you send to the sun's mansion, rising yourself from the kingdom of darkness. crossed by lights and bridges. Retour avec Michel, Jean-François, Marc et Bruno. Oui, donc ce qu'on vient d'écouter... Et la bonne musique, oui. Oh oui, ben oui, la bonne musique ce soir. Ben oui. malgré que ce soit Bruno qui a fait le choix, là, on doit avouer que c'est bon quand même. Il t'a veillé de passer, il va ouvrir la porte, là, je t'a veillé, je vais me sauver en courant, je pense. Mais je pense qu'il va former nos micros avant ça. Oui, oui, j'ai bien l'impression. Et on va finir par en venir à bout, hein, je te dis. Il va sauter sa coche avant la fin. Là. Ah, il est passé proche, tantôt. Bon, oui, on vient. Ça, c'est bon. House, donc, groupe montréalais. Donc, le disque, attendez un peu, le crime qui écrit mal, Bruno. Despite Guardian Angels. C'est de la lue, ça. Ça? Bon, oui, okay. Oui, c'est en fait ça. Parfait. Avant, bon, on c'était Animal Monday, avant? Animal Monday. Oui, on était à Cuba, alors. Ben oui, hein, c'était de la musique ensoleillée, avec plein de claviers. Oui, ça ressemblait un peu à Yes. C'est quand même ça. Moi, ça me surprend toujours quand même, tu sais, de dire un groupe cubain de prog. Ah oui. Ils ont dû se cacher quelques années, ça. Non, sérieux. Oui, sûrement. Sûrement. Et tu sais, tu peux pas sortir un disque de même puis dire on a commencé à jouer hier. C'est qu'ils ont dû se cacher un peu pendant quelques années. Là, puis, oui. C'est comme l'autre groupe. Là, j'en connais deux groupes cubains. Ouais, l'espèce d'une pochette, c'est comme une jambe avec une fleur au bout. Là. J'arrive plus à me rappeler du nom, mais c'est les deux seuls groupes cubains de prog que je connais. Là. Ouais, ça remonte à loin. Ça remonte à ces années 80. Là. Ouais. Ouais. On va chercher ça. Ouais, un jour, je l'ai quelque part, là, je le sais, là, mais en toi. Tout ça pour dire que oui, il se fait du prog à Cuba maintenant, depuis quelques années même. Là. Et puis, ben, on avait amorcé avec Nathan. Qui... Ah oui, ça, c'est un bon groupe italien. Exact. Ah, une nouveauté, là. J'ai réussi à faire pas mal de lobbying. Là. C'est leur premier album, là. C'est ben un oui, tout jeune le monde groupe. Oui, oui, effectivement. Là, j'ai commencé à l'écouter là, depuis une semaine. Notre pusher de disques. Et là, je suis plus sûr. Là, c'est parce que Bruno, qu'est-ce qu'il... Là, je vois que... C'est Electric... Là, on passe à Electric Orange. Là. Eloy. Ah, plutôt Eloy. Là, c'est Eloy. Ah oui, c'est un de ses groupes préférés à Bruno. Eloy, je sens une magouille. Cette... Le plus récent live. Ah, il ne faut pas que tu me coupes Galactic Zoo dossier, toi, à la fin. Ah, oui, ah non, ouais, on le garde. OK, parfait. Bah, ben, on est en business. OK, parfait. Ben oui. C'est qu'on continue en musique avec du krautrock. Ah oui, avec Eloy. Avec... Oui, ben, je pense même... Ben, est-ce que tu mets Electric Orange aussi? Il n'est pas sûr. Bon. OK. Ben, en tout cas, au moins, il a, et ça, c'est sûr. Ça va dépendre du temps qu'on niaise. Oui, exact. C'est que vous êtes toujours à Terra Incognita, dernière demi-heure, avec toute la gang au complet. C'est en 8 ans, c'était quoi? C'est la troisième fois. OK, bon, ben parfait. Il ne faudrait pas que ça arrive trop souvent, je pense, hein, finalement. Non, je pense Bruno nous mettrait dehors. Non, je pense, OK. C'est qu'on continue en musique avec Eloy. Gotta find out that some us it makes God. We live a day embracing hope. Now we gotta wake up. Who do we think the world to be a creative oversight? Do we really think of senseless power? Our forces will reveal, expose the true essence of things, the reason of all that has come to existence. No sacrifice will be able to defy the law alone in the night. Vibrations of truth will call for us. Will we ever find out what means to be? Will we spread it now? The day we see, while we exploring thousand mighty minds in the lost newborn, only true kingdom. for his empire. He's a demon of illusions, our old darkness, morning interference. Flowers will explode in onward wings, spirits will ascend into the sky. Cities will catch fire, and the carbon ice is dying and hot to dry. Et c'est déjà presque tout pour nous. L'émission achève. Eh oui. Mais là, Bruno, mets donc pause. Là. Il y a un bon bout. Là. Et ce qu'on entend, c'est du Arthur Brown, mais sous le nom de... Kingdom Come. Kingdom Come. Pas de groupe là avec la copie de Robert Plant là, comme chanteur. Et, ben non, ça a fait juste deux disques. Mais je mets le premier quand même. Mais là, on est... Bon, on regarde. On commencera pas à parler de Kingdom Come avec... Faudrait pas, nous. Non. Donc, c'est le Galactic Zoo dossier qui, à mon avis, est le chef-d'œuvre ultime là, d'Arthur Brown. Et... Ouais. Carrément. Bon, OK. Et juste avant, c'était Barrett Elmore avec leur musique très psychédélique, mais récente. C'est dans les années 2010, là, 2013 ou 2014. Et puis, ben, Eloy. Oui, Eloy, justement. Pour amorcer. Donc, c'est ça refait une transition. Marc, c'est parce qu'on t'entend pas. Ben oui. Ça va mieux? Non, ça va faire une belle transition avec l'autoroute. Là. Ça, c'est un coup de ben Bruno. Oui. Là. Ben, d'ailleurs, il faut rester à l'antenne parce que Vincent et Jacques sont là qui nous attendent pour une belle émission de l'autoroute. C'est l'anniversaire à Vincent? Ben oui, c'est l'anniversaire à Vincent. Donc, on lui souhaite un joyeux anniversaire encore pour quelques minutes. Ben, il fait pas ses 35 ans, hein, Vincent. Ben, non. Ben, non, moi, ça m'a surpris. Ça. Ben non, je pensais qu'il en avait 25. Ah ben, oui. Donc, ben, bonne nuit. Revenez-nous la semaine prochaine. C'était Terra Incognita avec tout le monde. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes.